musique, c'est un rire, une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma musique vient de toi, ma lumière, c'est un geste, une caresse dans le noir qui s'appelle la tendresse. Ma lumière, c'est ton regard, ma prière, c'est l'absence, la colère et le froid dans ma chambre solitaire. Ma prière va vers toi. Thank you.